Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 664 sur RIG. L'album de la semaine, eh bien il n'y en a pas. C'est un 100% George Harrison avec les Beatles, avec les Traveling Wilburys et lui tout seul, évidemment. On écoutera pendant 2 heures 29 chansons, si on arrive à toutes les caser. On commence par le début, je donne les 5 premières. Alors j'ai un peu modifié... il fallait caser un 100% en 2 heures. C'est pas évident, parce que George Harrison a fait de très bonnes chansons. On va commencer par If I Needed Someone, puis il y aura Taxman sur Revolver, Love You Too, je sais, mais il faut l'écouter aussi, Within You Without You, et après on laissera tomber la musique hindoue. On ne passera pas à côté de While My Guitar Gently Weeps, évidemment. Et puis il y en aura d'autres, comme par exemple Can't Stop Thinking About You, All Those Years Ago, etc., etc., etc. Vous nous retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. On est ensemble jusqu'à 22h et tout va très très bien se passer, je le sais. Donc à tout de suite et bonne soirée à vous tous et toutes. Proposer le mix de 2023 et franchement on a l'impression que ça a été enregistré du genre hier ou avant-hier ou il n'y a pas longtemps, alors que ça date de 1965 sur l'album Rub a Soul. If I Needed Someone fut composé par George Harrison forcément pour Patty Boyd. C'est un exercice musical sur un accord en ré à la guitare, je n'y comprends rien mais les musicos doivent comprendre. Cet accord et ses variations se retrouvent dans de nombreuses chansons. Et j'ai toujours été surpris de voir que les gens continuaient de trouver de nouvelles permutations à ces mêmes notes.

Et j'ajouterai quelque chose qui me fait très très plaisir. Allez visiter le site, le nouveau site de RIG, parce que je ne vais pas donner toutes les chansons systématiquement au fur et à mesure. Donc si vous voulez savoir quelle est la chanson qui passe, elle est sur le site dans la rubrique La Saga des Fab Four. Vous pouvez voir en temps réel ce qui passe à la radio. J'adore ça, c'est génial. Merci RIG. Ambiance fumée, tout ça. Love You Too, suivi de Within You, Without You sur RIG, dans la saga des Fab Four. Toujours un spécial George Harrison. Talking about love.

qu'est-ce que j'aime cette chanson. Qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est bien faite. C'est la chanson parfaite. La voix de Paul McCartney qui vient se glisser sous celle de George Harrison, c'est merveilleux. Bon, petite histoire sur cette chanson-là, mais vous le connaissez, mais c'est au cas où certains prendraient la saga des Fab Four pour la première fois, avec 42 ans de retard, mais c'est pas grave, c'est bien, tant mieux. Et bien, petite histoire de cette chanson. 1968, l'album blanc, les Beatles commencent à se taper les uns sur les autres, au moins verbalement, quoi. Il y a des dissensions qui commencent à se sentir. Notamment George Harrison qui en a marre que ses chansons ne soient pas assez prises au sérieux et qu'on lui accorde seulement 2 chansons par disque, etc. Il a proposé While My Guitar Gently Weeps et puis ça n'a pas eu l'air d'être franchement inspiré Lennon et McCartney. Puis il voit son pote Eric Clapton et lui dit « Viens jouer en studio, tu feras le solo, je suis sûr que ça va être bien ». Et Eric était pas très très chaud parce qu'il l'a dit, mais personne n'est jamais venu jouer chez les Beatles, c'est vous quatre et c'est tout. Enfin, attention, faut remettre les choses à leur place. Eric Clapton était déjà quelqu'un de connu, je ne parle pas de musiciens de studio, comme par exemple pour l'album précédent, l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, il y a des cordes et tout ça, donc il y a des musiciens de studio. Mais des vedettes, des personnes connues, ça n'était pas arrivé avant Eric Clapton. George Harrison a insisté, même quand les autres ont dit on n'a pas très envie, il a toujours insisté et puis le miracle s'est produit. Lorsque Eric Clapton est venu dans le studio, eh bien les Beatles ont travaillé sérieusement, se sont mis au boulot, ils ont voulu faire sans doute bonne figure et la chanson est passée crème comme vous avez pu l'entendre, quelque chose de merveilleux. Merci George Harrison d'avoir insisté et merci aux Beatles d'avoir fait une aussi belle chanson. Merci George. Oh, la ligne de basse. Oh, Old Brown Shoe. On est en 1969. encore trois chansons à venir sur les Beatles via George Harrison, et puis on passera à George Harrison solo. Les deux suivantes viennent de l'album Abbey Road, et sur la première, Something, Frank Sinatra, à la mort de John Lennon, reprendra cette chanson en disant de manière complètement éhontée, c'est l'une des plus belles chansons de Lennon-McCartney. Et non, Frank, c'est une chanson de George Harrison. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. avoué que George Harrison était au niveau de ses potes John Lennon et Paul McCartney. Franchement, de très très belles chansons. Allez, une dernière sur l'album Let It Be. C'est une manière à lui de dire bah, tout le monde pense à moi, à je et à moi. Enfin, I Me Mine, ça sonne mieux. En 1968, pendant l'album Blanc, Ringo Starr en a eu marre. Il avait l'impression que les trois autres s'entendaient vachement bien, mais que lui ne s'accordait plus avec les trois autres. Alors il est parti faire un tour, se prendre des vacances. Et quand il est revenu, il avait son kit de batterie rempli de fleurs et puis il était content d'être revenu finalement. Un an plus tard, en 1969, c'est George qu'en a eu marre pendant l'enregistrement de ce qui donnera Let It Be. Il se clash avec Paul McCartney, parce qu'il voulait essayer de rajouter des petits riffs de guitare ici et là. Et McCartney lui dit non, c'est ma chanson, non. Et puis à un moment donné, George éclate en disant bon, bah écoute, tu sais quoi? Si tu veux que je joue, je joue. Si tu veux pas que je joue, j'en ai marre. Moi, je me casse, vous me retrouverez dans les clubs. Malheureusement, John Lennon disait bah vas-y, casse-toi, et puis on trouvera quelqu'un d'autre. Et puis finalement, George est revenu. Et puis c'est John qui, à un moment donné, est parti faire Live Peace in Toronto et puis qui a dit « J'en ai marre des Beatles, je me casse, j'ai plus envie. » Et Paul McCartney, « Non, allez, arrête, reste là, tout va bien. » Enfin, tout va bien, façon de parler. Mais, et puis, nous arrivons en 1970. Chacun discrètement a commencé à faire son album solo. Et puis le 10 avril 1970, Paul McCartney déclare « Les Beatles, c'est fini ». On lui en voudra, on dira que c'est lui qui a cassé les Beatles. Non, ils étaient cassés déjà. Mais on lui en voudra pendant quelques années et il s'en sentira très très bien, monsieur Paul McCartney. Quant à lui, George Harrison, c'est lui qui le dit. Il avait l'impression qu'avec les Beatles, il était un peu constipé. Et en 1970, sur son album « All Things Must Pass », il s'est relâché, si vous voyez ce que je veux dire. Les chansons qu'il avait gardées dans le tiroir parce que les autres n'en voulaient pas, il les lâche là et elles sont vraiment extrêmement bonnes. Voici la première, celle qui a surpris tout le monde puisqu'on ne s'attendait pas à ce que George Harrison soit premier une fois les Beatles terminés. On s'attendait à John ou à Paul et c'est George qui mène la barque avec un numéro 1, My Sweet Lord, sur RG. George Harrison sera accusé de plagiat d'une chanson des Chiffons qui s'appelle « Is So Fine ». Et c'est vrai que c'est quand même franchement proche. « Is So Fine, doulin, doulin, doulin ». Et puis à un moment donné, ça monte comme « I really want to see you ». Et bien, ça monte aussi dans la chanson des Chiffons, dont je ne connais pas les paroles. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans mon interprétation hasardeuse de cette chanson-là. Il s'en sortira avec, c'est assez compliqué, je me demande ce que ça peut vouloir dire, un plagiat inconscient de cette chanson. Bon, pourquoi pas, en tout cas, c'est une très très belle chanson. La semaine dernière, je vous ai fait entendre sur RIG Isn't It a Pity, mais la version 2. Voici la version 1 que vous aimez encore plus. Montez le son, vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four et c'est un spécial 100% George Harrison. Now isn't it a shame how we break each other's hearts and cause each other pain? How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Isn't it a pity? Some things take so long I explain. Not too many people can see we're all the same. And because of all the tears your eyes can't hope to see, that surrounds them. All Things Must Pass est trop riche pour qu'on s'arrête là. Je vous propose encore trois titres. Beware of Darkness dans quelques instants. Puis il y aura Run Off the Mill et All Things Must Pass pour terminer. watch out now. Take off the world of greedy leaders. They take you where you should not go. J'espère vous inciter à acheter l'album All Things Must Pass parce que vraiment, il est extraordinaire. Voici une dernière chanson, justement. La chanson éponyme qui a donné son nom à l'album, à moins que ce soit le contraire, All Things Must Pass. Elle avait été travaillée du temps des Beatles, ils n'en ont pas voulu, il l'a mis sur son album solo. Cloudburst doesn't last all day. À l'heure, dans un peu plus de 52 minutes, Frédéric Quinonero, pardon, sera l'invité de Johnny de A à Z avec Eric ce soir, donc, dans l'émission, donc, Johnny de A à Z pour nous parler du volume 1, Johnny au jour le jour chez La Libre Édition. Eric compte sur vous, je compte sur vous aussi pour écouter cette émission extraordinaire qui a plus de 20 ans, je crois, hein, maintenant. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Et il vous en donne de l'amour. Give me love, give me peace on earth. C'est toujours la spéciale George Harrison. 100% Harrison sur RIG dans la saga des Fab Four. Nous sommes en 1973. Take home. hide scars from ill feelings. They themselves arouse. So hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking to see the light that has light. Il va falloir aller un petit peu plus vite parce que le temps passe et bientôt ce sera Eric et Johnny de A à Z. Là c'est Dark Horse en 1974 sur RG. j'ai une très belle chanson d'amour signée George Harrison. Que le Dear One de George Harrison en 1976, il s'adresse carrément à Dieu. Alors moi, je m'adresse à Dieu. Notre Dieu. Le Dieu de la radio, Eric. Salut Eric. Salut Thierry, comment vas-tu? Ah, je suis content de te revoir parce moi que aussi, je suis content de te ça revoir. Faisait un petit moment qu'on s'était pas croisé. C'est exact. Bon, je m'entends pas, j'enlève le casque parce oui. que je m'entends pas. Mais moi, je t'entends bien, ça va. C'est le principal, c'est oui. le principal. Quel va être le thème de ton émission de ce soir? Alors, ben, ce soir, je vous ai proposé une petite émission avec un invité qui s'appelle Frédéric Quilonero, un habitué de l'émission. J'ai du mal à le dire. Et on va parler de son nouveau livre, enfin, du moins, de l'éphéméride sorti en 2006, qui va être revisité en 4 volumes. D'accord. Ça sera le premier, et ça s'appelle Johnny au jour le jour, volume 1, de 1943 à 1966. Un beau programme en perspective. Ça va être très très intéressant, à tout à l'heure. Bien sûr. Somebody holding me. Jade's palace was not expecting you. The trap on tap, the crack above palace, know that the Lord is well and inside of you. And we welcome you to crack above palace. Joy, crack the box, palace. No matter where you roam, know our love is true. You bring such joy, crack the box, palace. No matter where you roam, know our love. Know our love is true. L'année 1976 pour nous rendre en 1979 avec l'une de ses plus belles chansons d'amour, Love Comes to Everyone, George Harrison. Sur un album qu'il a intitulé avec un certain un esprit coquin, il a appelé George Harrison l'album. Oh, fallait tromper. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. En 1980, John Lennon, le 8 décembre, tout le monde le sait, se fait assassiner lâchement par un gars. Je vais pas dire son nom parce que ça, il ne mérite pas. Et George Harrison avait préparé une chanson pour Ringo Starr, son futur album qui allait s'appeler Stop and Smell the Roses, sorti en 1981. Il a repris la chanson à Ringo Starr, donc on ne saura jamais quel set de paroles il a émis dessus. Il a changé les paroles, il a invité Ringo, il a invité Paul McCartney, et ensemble, ils ont chanté All Those Years Ago, une chanson hommage à John Lennon, qui est sortie en 1981 sur l'album Summer in England de George Harrison. They cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Plus la musique maintenant, hein, parce que ça passe très très vite. En 1987, sur l'album Cloud 9, qui veut dire septième ciel en français, il rendait hommage aux Beatles avec When We Was Fab. microscopes that magnified the tears. Studied wants and arms, still alive for on and on. Long time ago when we was fat, but it's all over now, baby blue. Harrison avait fait la paix avec les Beatles à ce moment-là, en 1987. En 1988, je ne vous raconterai pas l'histoire, on n'a pas le temps. Le célèbre groupe éphémère Traveling Wilburys et ce premier titre, Handle With Care, sur RG. Déjà l'émission avec encore au moins deux titres. On verra si on peut en caser une partie d'un troisième. Extrait de son dernier album, Amy Road. Et ensuite, il y aura The Rising Sun sur RG. I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike.

years I have been employed, working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored, but he held on to my umbilical cord. Until a ghost of memory trapped in my body and mind get out of hiding to become alive. Deux heures, ça passe vite. Mais je sais que vous allez continuer à écouter RIG parce que maintenant vient Eric et Johnny de A à Z. Merci d'être resté jusqu'à 22h. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un... Je sais que ce sera un Ringo Starr avec, en plus, en théorie, s'il sort bien le 24, il y aura l'album Long Long Road en album de la semaine, en plus une sorte de best-of Ringo Starr. Donc que du Ringo Starr la semaine prochaine. A très bientôt, bisous aux filles, voyez-moi aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four, numéro je ne sais plus combien, 664. A très bientôt, ciao.